Messieurs les officiers, pardonnez-moi, mais je vous ai déjà dit que vous deviez partir. Je vous en prie. Oh, c'est bien, nous partons. Carmen, à tout à l'heure. Je ne te conseille pas de revenir. Je reviendrai tout de même. Pourquoi étais-tu si pressé de les faire partir? Le Dankaïr et le Remendado sont là. Oh. Ils ont à nous parler. Eh bien, les nouvelles. Bonnes. Nous arrivons de Gibraltar. Nous avons arrangé l'embarquement des marchandises anglaises. Vous allez partir avec nous. Pourquoi faire, puisque vous avez déjà tout arrangé? Pour vous aider à porter des ballons? Non, non, non. Faire porter des ballons à des dames, ce ne serait pas convenable. Nous avons besoin de vous pour un autre travail.